Oui, on a vécu un long voyage avec Genèse, hein, Gilles nous en a parlé. Ça avait commencé l'année passée. Là, on va changer de livre, on va retourner dans le Nouveau Testament 2000 ans plus tard, ou 1900 ans plus tard, que Dieu a inspiré l'apôtre Paul à nous écrire des lettres, et particulièrement les épîtres à Timothée. Et on va avancer là-dedans. Mais on est toujours pas à bonne place. C'est la même slide, mais je pense que vous pouvez de mettre Timothée dans Genèse 3. Non, j'ai juste pas la fiche titre. C'est pas grave. On va commencer avec ça. C'est que c'est pas facile de commencer des nouveaux livres, surtout un changement radical de culture. On n'est pas dans le temps de Jacob, ni d'Isaac, ni d'Abraham. On est rendu 2000 ans plus tard. Il y a des changements culturels. Le pays d'Israël n'est plus ce qu'il était, etc. Maintenant, le sujet ne sera pas le pays d'Israël. Ça va être un sujet, c'est sur l'Église. Et particulièrement le fonctionnement de l'Église. À travers ces épîtres-là. Je suis un petit peu mêlé, là. Ce ne sera pas long. Il y a 4 épîtres dans le Nouveau Testament. Combien de livres dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'ils savent par cœur? Toi, tu ne réponds pas. 37. Oui, dis plus fort. Pas avoir peur de se tromper. 27. Et là-dedans, il y a 4 épîtres qui sont adressés à des personnes. Tous les autres livres sont adressés à des églises. Si je me trompe, vous me le direz, là, mais tous les autres livres sont adressés à des églises ou à des groupes d'églises. Il y en a que c'est des églises spécifiques, d'autres, c'est, on les appelle les épîtres catholiques, sont adressés à l'ensemble de l'Église. Maintenant, tous les livres sont adressés à l'ensemble de l'Église parce qu'on les a réunis aujourd'hui dans un livre qui s'appelle la Bible et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, bien, il nous révèle complètement le plan de Dieu à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Fait que ces épîtres-là, 3 de ces épîtres-là portent un nom particulier qu'on dit les épîtres pastorales. Vous m'entendez bien? Ça va bien? OK. Pourquoi pastorales? Parce que il y a juste des pasteurs qui peuvent les lire. Non, il y a juste des pasteurs qui ont besoin de ça pour se gérer leur vie parce qu'ils s'en vont tout croche autrement. Ça, c'est. Si vous lisez des commentaires, vous allez voir que c'est le surnom qu'on donne à ces épîtres-là. On les appelle les épîtres pastorales. Et c'est pastoral ici dans le sens que ce n'est pas des troupeaux de moutons, c'est vraiment prendre soin du peuple de Dieu. Et il y a plusieurs exhortations à la manière dont les églises doivent. Moi, j'aime mieux toujours amener l'autorité. Et Dieu donne l'autorité à l'Église à travers des hommes, qui sont les anciens, les pasteurs ou les évêques. Là. Et beaucoup d'exhortations là-dedans sont pour aider les anciens à la manière dont ils vont prendre soin du troupeau. Maintenant, si vous faites partie du troupeau, vous ne faites pas partie des anciens, c'est important de savoir ce que Dieu demande aux anciens de faire. Parce que si vous vivez des difficultés en rapport avec une des exhortations que dans ces épîtres-là, vous êtes mieux de connaître la volonté de Dieu à travers cette situation-là. On est d'accord? Vous n'êtes pas traumatisé? Donc, il y en a pour les deux bords dans ces épîtres-là. Mais vous allez remarquer que ça revient souvent à des exhortations très fortes. Et ça parle particulièrement à la manière que l'Église doit gérer certaines situations. Et quand on parle de gérer certaines situations, c'est un mot moderne, ça, gérer, hein, c'est pas dans les Écritures. Ça entraîne des responsables de l'Église à le faire. Les responsables, en particulier, ce que Dieu a établi dans les Églises, c'est les évêques, les anciens ou les pasteurs. Ça va? Maintenant, il y a une conception moderne derrière certains commentaires, je vais juste vous mettre en garde, avec laquelle moi je ne partage pas, puis quand je dis moi, je dis en même temps l'Église ici, ce qu'on croit, c'est que les pasteurs dominent l'Église. Le mot pasteur est un rang supérieur aux anciens et aux évêques, aux autres. Et de sorte qu'il y a un pasteur qui domine l'Église, et lui, là, il est vraiment inspiré par ces livres-là. Pas tout à fait la représentation exacte de ce que certains théologiens enseignent, mais c'est une conception que vous allez voir dans les commentaires. Particulièrement, si vous lisez le commentaire de MacArthur sur 1 Timothée ou 2 Timothée, vous allez apercevoir que lui, il insiste beaucoup sur cet aspect-là. Mais il y a des bons commentaires à part ça, là. Je ne suis pas en train de dire que M. MacArthur est à rejeter aux poubelles. Je m'en inspire encore, même dans les Épîtres à Timothée. Mais je m'en inspire dans le sens que je vais lire ce qu'il peut m'enseigner. L'Épître à Philémon est plus personnelle, ne fait pas partie des Épîtres dites pastorales. Elle est très... Très édifiant, mais pour d'autres sujets. Ça va? Vous n'avez pas perdu jusqu'à date? Date de rédaction. Ça aussi, il y a de la controverse dans l'Église, dans les théologiens d'aujourd'hui. Moi, je vous donne des dates qui sont approximatives. Évidemment, ce n'est pas la vérité absolue là-dedans. Ce n'est pas marqué dans les Écritures. Mais 1 Timothée serait écrit vers l'an 56. Tite, probablement vers l'an 63, et 2 Timothée, c'est vraiment vers la fin de la vie de l'apôtre Paul. Il va être exécuté peu de temps après. Et celle-là, on a moins de misère à dater la dernière 2 Timothée. Mais les premiers Timothée, là, ça va, comme si vous lisez justement MacArthur, il va le mettre vers 63. Moi, pour des recherches historiques reliées dans le livre des Actes et de ce que Dieu a fait à travers l'Église, ce qui nous est donné comme indication, moi, je le place plus vers l'année 56. Donc, il y aurait une dizaine d'années entre les deux épîtres, entre 1 Timothée et 2 Timothée. Il faut juste retenir ça. Il y a des situations qui ont changé. 1 Timothée est beaucoup plus axé sur des situations à corriger dans l'Église. 2 Timothée aussi, mais beaucoup moins. Ça fait que, puis Tite, bien, je ne l'ai pas regardé encore, ça fait que je ne peux pas vous en parler tout de suite. Ça donne une idée, c'est les livres du Nouveau Testament. 1 Corinthiens a été écrit vers l'an 55. 1 Timothée vers l'an 56, c'est ce qui est avant 2 Corinthiens et Romains. Ces épîtres-là sont apparus. 2 Corinthiens est apparu nécessairement vers l'an 56, et Romains aussi, parce qu'il a été écrit de Corinthe. Et Paul va rentrer à Jérusalem pour son premier emprisonnement, d'abord en Israël, Césarée, et après ça, il va aller à Rome pour l'autre partie de son emprisonnement, qu'on appelle le premier emprisonnement de l'apôtre. L'Évangile de Luc, Luc a accompagné Paul dans le voyage à Jérusalem, fait qu'il a ramassé ses renseignements, il a écrit l'Évangile en premier. On le voit là, ceux qui se rappellent du début de l'Évangile de Luc, hein? Il parle qu'il écrit à son ami Théophile, hein? Puis après avoir fait des recherches exactes. Donc, on sait que Luc a accompagné Paul, même jusqu'à Rome, et qu'il a probablement rédigé l'Évangile vers 61. Le livre des Actes, il ne peut pas suivre, il ne peut pas précéder l'Évangile de Luc, parce qu'il dit, j'ai été écrit dans mon premier livre, le premier livre étant l'Évangile. Tite, définitivement, l'apôtre n'est plus en prison. Il a été libéré de son premier emprisonnement. Et il y a eu un ministère en Crète dans lequel il utilise son collaborateur Tite pour finir d'affermir les églises en Crète. 2 Timothée, c'est le deuxième emprisonnement. Là, c'est clair, Paul parle beaucoup de son emprisonnement à Rome. Son dernier emprisonnement, il dit, je sers déjà de libation, je sais que mon départ approche. Et il va effectivement, selon la tradition, mourir à Rome, parce qu'il est romain, on va lui couper la tête, on va lui faire le cadeau de ne pas le crucifier, mais lui couper la tête. C'est assez radical, mais c'est moins dur que souffrir sur une croix, je suis convaincu. Et 2 Timothée, 2 Pierre, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, quand il parle des épîtres de Paul, à la fin du livre, il mentionne Paul comme étant encore vivant. Donc, ce qui suppose que son épître a été écrit, le deuxième épître de Pierre a été écrit avant le décès de l'apôtre Paul. Ça va? Je n'aurai pas trop de données historiques, mais c'est bon de se placer d'un point de vue dans un contexte. Caractéristiques de Timothée. Ce qu'on trouve à l'intérieur des deux épîtres à Timothée. Ça, c'est intéressant. Il faut retenir ça Considérez ça quand on va regarder le livre de Timothée. Il y a beaucoup de choses personnelles dans l'Épître. Il y a une relation très personnelle entre l'apôtre et Timothée. Timothée, c'est son enfant légitime dans la foi. Et l'apôtre Paul, lors de la première mission, quand il passe à Lystre, Timothée entend parler de l'Évangile à ce moment-là, il se convertit. Puis dans la deuxième mission que Paul va faire, quand il va arriver à Lystre, on va lui recommander Timothée comme un ouvrier à emmener avec lui, puis il va l'emmener avec lui. Puis là, Timothée ne retournera pas beaucoup souvent à Lystre, il va accomplir des missions lui-même pour l'apôtre Paul dans les églises qui vont être fondées dans son ministère dans la deuxième mission. Son nom signifie qu'il honore Dieu. Je vais passer assez vite là-dessus. Il était de Lystre. Vous pouvez lire ça dans Actes 16, 1. Le livre des Actes est assez important là, pour placer l'Épître. Il s'est converti à Christ lors de la première mission de Paul et Barnabas en Galatie. Lystre, icône d'herbe, c'est dans le même secteur. On pense qu'il avait. C'est un très jeune homme. Mathias, tu vas avoir quel âge cette année? 18. N'as-tu un autre qui s'approche de ça, là? Dans les filles? 17? 19 ans, c'est pas vieux, hein? C'est bientôt pour vous autres. Et déjà, l'église de Lystre et de Icône rendait un bon témoignage de lui. Il était, et rappelez-vous, à l'époque, ils n'ont pas les Écritures du Nouveau Testament. Dans le cas de Lystre, ils ont peut-être l'Épître aux Galates, parce qu'elle a été écrite pour eux. Mais après ça, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont eu la mission de Barnabas et de Paul la première fois et ils sont restés accrochés aux paroles de l'Évangile. Il y a eu des combats avec l'histoire de la circoncision des païens. C'est le sujet de l'Épître aux Galates. Et Timothée, lui, à l'intérieur de ça, il a bien œuvré. Les responsables de l'Église d'Icône et de Lystre rendent de lui un bon témoignage. Donc, avis à vous autres, les jeunes. Vous avez encore la possibilité de vous racheter. Il vous reste un an, dans le cas de Mathias. Persévérez, vraiment, là, c'est important, par exemple. Il n'y a pas d'âge pour vraiment donner sa vie au Seigneur et vraiment le suivre. Le titre qu'on voit dans 1 Timothée 2,18, Paul l'appelle « mon enfant légitime en la foi ». Ce qui implique que la relation de Paul avec Timothée a commencé lors de la conversion de l'apôtre de Timothée. Ça va? J'aurai pas le temps de faire toutes les références avec vous, mais si vous avez déjà ouvert à 1 Timothée, on va lire 1 Timothée, là, fait que vous ouvrez vos Bibles déjà là, vous pouvez facilement tourner la page, vous allez voir dans 2,18 la référence qui est ici. Ah! Timothée a été précédé d'une grand-mère et d'une mère. Sa grand-mère s'appelait Loïs et sa mère s'appelait Eunice. Et la Bible rend témoignage que c'était des Juifs fidèles. Avant même de connaître le Seigneur, ils étaient fidèles au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sauvés, ça veut dire qu'ils avaient une piété par rapport à Dieu que les autres avaient remarqué. Et vous allez voir qu'ils ont une influence dans la vie de Timothée parce que dès son enfance, ils vont l'enseigner dans les saintes lettres. Là. C'est une mention. Fait 4-16-1, vous avez cette mention-là de la grand-mère Loïs et d'Eunice. Fait que les enfants qui ont des grands-pères, c'est pas des grands-mères, c'est sûr, hein, qui les exhortent régulièrement. Négligez pas vos grands-pères. C'est un message en passant. Les exhortations de vos grands-pères qui vous disent des fois de changer de trac. Et de vos parents aussi, bien sûr. Il a reçu un bon témoignage de Lystre et d'Icône, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Actes 16, 2. Paul l'a emmené avec lui pour le reste de la deuxième mission. Quand il passe à la deuxième mission, là, l'Église va faire quelque chose, on va y revenir tout à l'heure par rapport à Timothée. Ils vont l'identifier, ils vont le présenter. Paul va le reconnaître parce que c'est lui qui a présenté l'Évangile, mais sur la base du témoignage de l'Église et de la recommandation que les anciens de ces églises-là vont faire, il va l'amener avec lui et il va être à son service, pas son service, au service de l'Évangile à travers l'apôtre Paul, jusqu'après le décès, jusqu'à sa fin de sa vie, dans le fond. Et il faut comprendre là, qu'il quitte sa maison, il ne reviendra pas souvent à sa maison. Hein. C'est comme essayer d'aller en Côte d'Ivoire à pied. Ça serait difficile. L'avion nous permet de faire des choses aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas facile. C'était beaucoup de marches, des milliers de kilomètres. Son père était grec, il ne l'a pas circoncis à la naissance. Sa grand-mère et sa mère étaient juives, mais son père était grec. Donc, Timothée n'a pas été circoncis à la naissance, comme les autres enfants juifs. Et qu'est-ce que ça va nécessiter? Quand Paul va l'emmener, pour ne pas avoir de dispute avec les Juifs, il va dire à Timothée, « Regarde, ça serait bon que je sois circoncis, parce que les autres Juifs vont te créer des misères. » Avec raison. Fait que la première chose qu'il va faire avant de l'emmener, il va le circoncis. Mais il l'a fait, il a accepté ça. Sa grand-mère et sa mère sont venues à Christ avant lui. Bon, ça s'est produit à peu près dans le même temps, dans la première mission de l'apôtre. Dans 2 Timothée 3, 13 et 14, vous pouvez tourner, ça vaut la peine d'aller le lire, pas juste lire les références. Particulièrement le verset 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dès ton enfance. Et ça, c'est le travail de grand-maman puis de maman. À vous, maman, désespérez pas si vos enfants continuent de les enseigner dans les saintes lettres. Et à l'époque, c'était juste l'Ancien Testament. On continue les caractéristiques de Timothée rapidement. Évidemment, il y a à peu près 20 ans quand il commence à aller avec Paul. Mais ça, on peut se tromper, là. Il peut être plus jeune un petit peu plus vieux, mais c'est un jeune homme. Un homme, ça commence à être reconnu vers 30 ans. L'apôtre lui donne le terme de jeune homme dans l'Épître à Timothée. Donc, c'est 8 ans après le début qui a commencé avec l'apôtre Paul. Au minimum, Timothée a participé à l'établissement de 6 églises avec Paul. Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, Troas, Éphèse. C'est toutes des églises pour lesquelles il a été envoyé en mission à plusieurs reprises pour terminer l'affermissement de ces églises-là après le départ de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas retourné dans toutes les églises d'une façon continue. À chaque semaine, il retournait. Non. C'est ses collaborateurs, entre autres, il y avait Silas, il y avait Timothée, Tite, et d'autres là, que je n'énumère pas ici ce matin. Là. Quand il reçoit la première épître, celle-là qu'on va étudier ce matin, premier chapitre, il a environ 28 ans. Quel âge t'as, Landry? 29. Toi, tu serais trop vieux pour recevoir l'épître, là. Mais elle peut quand même te parler. Ici, ça confirme, si vous allez lire en 4.12, que personne ne méprise ta jeunesse. Quand vous êtes un jeune collaborateur, vous devez parler à des hommes plus vieux, plus âgés, plus matures que vous dans d'autres domaines, et que vous devez les exhorter, bien, des fois, tu peux subir du mépris à cause de ça. Toi, le jeuneau, là, va t'asseoir, t'as pas encore... C'est quoi l'expression au Québec? T'as pas encore... Le nombril sec. Est-ce que tout le monde comprend l'expression « nombril sec »? Tu comprends pas? Ça, quand un bébé vient au monde, il y a une phase où son nombril est en train de sécher. Après, on leur coupe le cordon, évidemment. Fait quand tu n'as pas encore le nombril sec, ça veut dire que tu n'as pas encore vieilli. Mais, souvent, dans certaines circonstances d'exhortation ou d'encouragement, ça peut entraîner du mépris. Et là, quand ça arrive, l'apôtre ici, il parle à Timothée, Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne te fais pas mépriser par les autres. Prends pas sur toi le mépris qu'on peut t'envoyer à cause de ta jeunesse. Facile à dire, pas facile à vivre. En général, quand on se fait mépriser, on a tendance à s'auto-accuser, puis là, on débat. Moi, si c'est comme ça, je laisse tout tomber, puis je fais d'autres choses. C'est le réflexe de la chair, souvent. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'historique, la deuxième épître va arriver plus vers l'âge de 39 ans pour Timothée. Il y a donc eu du temps, il y a eu l'affermissement dans sa propre vie. Fait que quand on va étudier 2 Timothée, tenons compte qu'il y a eu un espace entre les deux épîtres, là, assez important. Il a passé environ 19 ans à œuvrer avec Paul pour implanter les églises et affermir dans la foi. 19 ans, évidemment, ça va jusqu'à la fin, jusqu'à 2 Timothée, là, la fin de 2 Timothée. Il a effectué plusieurs missions dans les églises. On l'a dit tout à l'heure, c'est de la répétition. Ah, chose importante en ce qui concerne Timothée, parce que ce n'est pas donné à tout le monde à cette époque-là. 1 Timothée 4:13. Et là, les jeunes à qui j'ai parlé tout à l'heure, ça vaut pour vous. Jusqu'à ce que je vienne. Un matin, on a parlé de la lecture, hein, Jocelyn? Des livres. OK. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. La lecture. Il n'y a pas de livre comme ça à l'époque, là. Ça n'existe pas. Et qui dit lecture dit, quand est-ce que tu as appris à lire? Samuel, c'est pas tout le monde qui savait lire et écrire à l'époque, hein? C'est pas donné à tout le monde, ce privilège-là. Et Timothée a ce privilège-là. Maintenant, je vais poser la question aussi. Combien dans l'église, dans la salle ici ne savent pas lire? Michel ne répond pas, là, pauvre lui. Mathéo! Ernest! Ah, il a levé la main. C'est beau, Ernest. Mais les autres, là, est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous vous appliquez à lire? Vous allez dire, lire sur Internet? Non, ici, applique-toi à la lecture. La lecture, ici, sous-entendue, entre parenthèses, qui n'est pas écrit, la parole de Dieu. Dans son cas, c'était probablement plus des rouleaux de l'Ancien Testament que du Nouveau, parce que, à part l'Épître aux Galates, et peut-être le premier épître aux Corinthiens, il n'y a pas grand livre qui sont disponibles. Ça va? Applique-toi à la lecture. C'est pas juste pour Timothée, hein, on le voit. Et nous autres, on a ce privilège-là. À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait ce privilège-là. Petit fait intéressant pour Timothée. Bon. Ça, c'est le dernier point qu'on va toucher concernant Timothée. À 4 reprises à travers les 2 épîtres, il est fait allusion au don que Timothée a reçu par le Saint-Esprit à sa conversion. On vient de. La semaine passée, on était dans la. Non, il y a 2 semaines, on était dans l'histoire des dons à l'école du dimanche. Vous vous rappelez? On a dit particulièrement à ce moment-là que chaque croyant est un don à l'Église ou à la communauté ou au corps de Christ. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça qu'on a enseigné? Chaque croyant est un don. Et Dieu fait allusion au don que Timothée a reçu du Saint-Esprit lors de sa conversion. Dans le cas de Timothée, à cause de ce qui est dit dans les Écritures, on voit qu'il a été informé de son don très tôt, ce qui n'est pas le cas de tous nous autres. 1 Timothée, là on va les regarder les passages, bien ils sont écrits. 1 Timothée 1:18, on va le voir dans notre chapitre qu'on va lire tout à l'heure. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Si on avait juste laissé là, on ne pourrait pas dire qu'il parle du don. Mais ici, il faut comprendre que les prophéties sont faites précisément au sujet de Timothée. 1 Timothée 4:14, dans le même épître, mais au chapitre 4, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. » Donc, les prophéties ici du premier verset, on doit les référer ici. « Avec l'imposition des mains des anciens. Donc, quand il était à Icône à Lystre, les anciens ont reconnu le don. Évidemment, c'est le travail que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Timothée. On va voir tout à l'heure que son don, c'est qu'est-ce qu'il est. Donc, ne néglige pas le don qui est en toi, qui est donné dans la prophétie. Ce n'est pas les anciens qui lui ont donné un don. C'est Dieu à travers le Saint-Esprit. Rappelez-moi un autre événement dans lequel il y a eu imposition des mains au sujet d'un individu, de deux individus. Gilles? Paul et Barnabas. Quand est-ce? Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui dit ça aux anciens de l'Église de Antioche. Pareil pour Timothée. Encore le travail du Saint-Esprit. C'est miraculeux. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur peut faire la même chose, j'ai aucun doute. Mais comme l'Église est assise sur la révélation écrite, elle peut se gouverner encore mieux qu'à l'époque. Mais à l'époque, c'était important. Fait que si on continue dans 2 Timothée 1, 6, « Pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains? » On est 10 ans plus tard, et ça se peut que Timothée a mis en veilleuse un peu la pratique du don qu'il a reçu, ou du don qu'il est pour l'Église. Et là, 2 Timothée 4, 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » C'est le même mot qu'en Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11, Jean-Claude, tu sais, il a donné les uns? Prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Donc, l'évangéliste est un don à l'Église. Fait qu'à cause de ça, moi, j'ai tendance à croire, Timothée, ce n'est pas un pasteur, c'est un évangéliste. Il est là pour annoncer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se fait pas sans l'affermissement des Églises. Au travers de chaque Église a ses anciens et doit marcher dans la vérité. La vérité n'est pas encore écrite complètement ou acceptée par tout le monde. Et il y a un besoin énorme dans l'Église primitive d'un travail d'évangéliste, tant pour annoncer la parole que pour affirmer dans la vérité. Ça nous aide à comprendre le contexte dans 1 Timothée. Ça va? Dans les deux épîtres, d'abord, dans 1 Timothée, il y a 32 adresses personnelles dans 1 Timothée, dans 24 versets sur 113, où le pronom « tu » s'adresse directement à Timothée. Vous avez toutes les références ici, on ne les lira pas. C'est quand vous allez lire l'Épître à Timothée, en passant, si vous voulez avancer dans l'étude qu'on va faire avec Timothée, les deux Timothées, lisez les Épîtres personnellement. OK? Ça va être beaucoup plus profitable pour vous que d'entendre une prédication. Ça va? Exhortation. Lisez les épîtres. Ça se lit dans 20 minutes à peu près, les premiers épîtres à Timothée. Oh, peut-être que vous ne comprendrez pas tout, ce n'est pas grave. Mais lisez-le, au moins vous allez être conscient de ce qu'on dit. Ça va? Exhortation reçue? Je vous conjure, comme il dit dans l'épître. Je te conjure. OK, 32 adresses et le deuxième épître est beaucoup plus personnel encore. Il y a 45 adresses personnelles, donc le pronom « tu » est utilisé par l'apôtre pour parler à Timothée sur 83 versets. 33 versets sur 83. Et des fois, il y a deux adresses dans le même verset. Là. Ça va? Fait, il faut tenir compte de ça. Il y a un but, un objectif dans les épîtres de fortifier le travail qu'un serviteur du Seigneur fait. Maintenant, aujourd'hui, Timothée est mort, Paul est au ciel, Timothée est au... Pas. Avec le Seigneur, on va supposer que tout il a bien fini sa vie en combattant le bon combat de la foi, lui aussi. Et ces exhortations-là tombent à l'eau, on n'a plus besoin. Moi, je ne m'appelle pas Timothée, donc c'est pas pour moi. Hey, Luc, il faut que tu me reprennes. Laisse-moi pas aller errer comme ça. À quelque part, la manière que Dieu a, évidemment, c'est encore là, le Saint-Esprit qui a tout fait ça. Quand on lit les Épîtres, on peut s'approprier chacune des choses qui ont été dites personnellement à un individu, mais qui s'adresse aujourd'hui à d'autres serviteurs du Seigneur et qui s'adresse aussi à ceux pour lesquels ces serviteurs sont en train d'œuvrer. Tu es Rémi Bourdage, puis tu ne te changeras pas, à moins que le Seigneur veuille te faire d'autres choses. Puis comme ça, c'est comme ça que tu nous bénis à travers par le don que Dieu a fait à l'Église de toi. Puis Luc aussi. Ouais. Fait que je cherche pas à devenir Christian ou Timothée ou un autre. Non, non. Le moule est cassé. Par contre, les exhortations, elles, sont pas cassées. C'est la parole de Dieu. Ça va? S'il y en a qui veulent les notes après, ça va être facile d'aller vérifier toutes ces références-là. Vous pourrez faire à tête reposée en lisant votre épître religieusement chaque semaine. Commencez avec 1 Timothée, en tout cas. Plan de 1 Timothée, je vais passer vite là-dessus. C'est un plan que j'ai trouvé dans ma carture. C'est un plan par chapitre. Ce matin, on va voir 1 et 2 ici, les instructions à propos de la doctrine d'erreur. Là. La salutation, on va le lire, ce ne sera pas long. Là. Puis les autres, ben, ça va par chapitre avec des différentes situations. Je ne veux pas m'attarder sur les... Ça permet de se faire une idée où on en est, où on en est rendu. Et ça va particulièrement parler aux enseignants là, qui vont vous rappeler ces choses-là en temps et lieu. Plan de 2 Timothée, c'est un peu la même chose, c'est par chapitre. Quoique, il y a juste 4 chapitres, mais il y a 6 items dans le plan que MacArthur propose. C'est intéressant. Ça fait un résumé, ça nous permet de nous retrouver. Ah! Là, on commence à travailler. Les versets vont apparaître un après l'autre. Ça va être une lecture commentée parce que, comme je suis en introduction, j'essaie de vous donner un contexte qui n'est pas facile à voir si on fait juste lire. Et qui va nous servir, qui va servir à ceux qui vont enseigner après aussi à s'y référer. Ça fait que j'insiste un peu plus sur un contexte. Malheureusement, c'est la tâche du premier qui enseigne sur un livre. Et c'est important pour nous. Puis ça va être complété, je suis sûr, par les autres enseignants qui vont venir après moi. Ça fait que Paul, apôtre de Jésus-Christ. Première chose que l'apôtre, par le Saint-Esprit, fait, il précise qui il est. Quel est son don? Apôtre. Il va parler à Timothée, parce que l'épître est adressée à Timothée, au départ, pas à une église, à Timothée. Il va parler avec l'autorité d'un apôtre. Et bien qu'il y ait un lien très fort entre Timothée et Paul, on l'a vu tout à l'heure dans un des versets, c'est un lien de père-fils. Paul aime définitivement Timothée, mais il va lui parler en tant qu'apôtre. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Sinon, il n'aurait pas dit ça dans l'introduction. Par ordre de Dieu, donc il n'est pas apôtre parce qu'il s'est donné ce titre-là lui-même, parce que Dieu lui a donné. Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance. Ça va? Ça nous parle? À Timothée, bien là, on a le destinataire. Timothée, mon enfant légitime en la foi, qu'on a vu tout à l'heure. Que la grâce... La miséricorde, la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, ici, c'est une formule de bénédiction, mais je le vois en même temps une prière que l'apôtre adresse à Dieu en faveur de son enfant légitime dans la foi, Timothée, pour qu'il soit vraiment pleinement béni dans l'exercice du ministère que Dieu lui donne de faire. C'est bon? Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ de la Macédoine. J'aurais dû écrire acte 19, là, à quelque part. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander, on va revenir sur ce mot-là tout à l'heure, juste après, à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Dès le départ, ici, on est à travers une exhortation très forte par rapport à une situation d'Église que Timothée est appelé à vivre, pas nécessairement dans l'Église d'affaires. Ici, là, il faut se prendre en compte qu'il rappelle l'exhortation qu'il a faite au départ de la Macédoine. Ça, c'est une chose qui est bien documentée, je trouve, dans le livre des Actes. Quand il est parti pour la Macédoine, il va aller à Troas au départ, après ça, il va aller en Macédoine. C'est là qu'il va écrire le deuxième épître aux Corinthiens. Entre les deux, il a probablement écrit l'épître à Timothée, le premier épître à Timothée, où il l'a écrit après Romains. Peu importe, ce n'est pas ça le point. Ici, c'est qu'il rappelle l'exhortation qu'il a faite. Fait que Timothée était avec lui à Éphèse et il a recommandé le mot ici, l'exhortation, là, c'est véritablement « je te commande » pratiquement de faire ça. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On va revenir sur ces deux passages-là. D'autres doctrines, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des personnes dans les églises, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, qui se permettaient d'enseigner d'autres choses que l'Évangile. Ou ils enseignaient des déviations par rapport à l'Évangile. Et c'est extrêmement important pour l'affermissement de l'Église. Ici, afin de recommander, on va y aller tout de suite, c'est le mot 38-53 dans les Strong. Je vais lire le verset 4 avant, là. De ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin. On voit que des fables et des généalogies sans fin, ça fait référence à des judaïsants qui allaient d'église en église pour introduire des doctrines absolument inutiles pour le salut, inutiles pour l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort pour les pécheurs, qui est ressuscité le troisième jour, qui est à la droite de Dieu et qui nous permet de devenir enfants de Dieu, comme on l'a vu ce matin dans le cours. Ici, ces gens-là voulaient prendre du galon en se mettant devant l'Église avec des enseignements complètement inutiles, qui produisent des discussions, plutôt que n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. La foi ici en l'Évangile, dans les doctrines de l'Évangile. On voit le contexte ici, là, dans lequel Timothée est appelé à œuvrer. Parangelo, qui fait référence à « afin que tu recommandes à certaines personnes », c'est même le sens d'un commandement militaire. Hein? Jean-Claude, tu as été militaire. Un lieutenant qui dit à son caporal « tu fais ça », c'est un commandement. Ça peut être, tu peux le dire sous forme d'exhortation, mais il n'y a pas le choix. La réponse, c'est oui, monsieur. Oui, monsieur. Et je ne suis pas sûr que Timothée a eu toujours des « oui, monsieur » comme ça quand il a recommandé à certaines personnes de ne pas enseigner de l'autre doctrine. C'est toujours des situations critiques. Si c'est un croyant qui est pris dans une situation comme celle-là, tu veux le récupérer, tu ne veux pas qu'il s'en aille, mais en même temps, il faut que tu sois ferme avec la personne. Il faut que l'Église aussi comprenne qu'on ne peut pas s'en aller dans des doctrines diverses et étrangères. Fait que commander, ordonner, là, c'est le sens de Parangelo. Il est utilisé 31 fois dans le Nouveau Testament. Puis il va revenir 4 fois dans le 1 Timothée. Déclare ces choses et enseigne-les. Commande ces choses et enseigne-les, ça pourrait être traduit de la même manière. Déclare-leur, commande-leur ces choses afin qu'ils soient irréprochables. 6-13, je te recommande devant Dieu, je te porte devant Dieu, là. Recommande aux riches du présent siècle. Commande aux riches du présent siècle de ne pas être avoir orgueilleux et d'être riche en bonnes œuvres. Là, c'est fort, hein, comme instruction. C'est fort comme instruction. Et si nous, les croyants, on est dans une église et à quelque part, on se fait commander d'être, mettons, le 6-17, ben, il se prend pour qui, lui, en avant, là? C'est comme ça qu'on réagit? Pourtant, on utilise beaucoup de douceur. Évidemment, c'est dit, ça a l'air brut la manière dont je le présente, mais il faut comprendre le sens ici de l'exhortation. D'une exhortation qui a plus l'air d'un commandement que d'autre chose. Et évidemment, c'est adressé à Timothée. Timothée qui va dans les églises, dans différentes églises, ou qui doit enseigner aux anciens, garde, voici la manière de faire. Et il rencontre des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qui le méprisent, qui méprisent sa jeunesse, etc. Ça va? Lisons le chapitre 8, le chapitre 1 et la suite. Le but du commandement, c'est un dérivé du même mot. Le commandement, c'est un nom, tandis que l'autre, c'est un verbe. C'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience va revenir en 1.19. Vous pouvez tourner tout de suite à 1.19 si vous avez vos bibles ouvertes. En gardant la foi, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, on va revenir sur ce que ça veut dire, la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et une foi sincère, Là, il faut aller dans Pierre un petit peu pour voir la sincérité de la foi, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous lire 1 Pierre 1, 18. On va commencer à 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Ça, c'est le temps que vous vivez sur la terre. Évidemment, il s'adresse à des croyants ici. C'est nous, pas des inconvertis. Nous. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut ou sans tache. » Le sang précieux de Christ, c'est l'Évangile. C'est carrément là, le cœur de l'Évangile. Prédestiné, verset 20, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La foi sincère, ça inclut tout ça. Verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » On en a parlé un matin dans le cours, hein, Gilles? Pas régénéré par n'importe quoi, par la parole vivante et permanente. Et ça, c'est Jésus-Christ. Il devient vivant dans nos vies. Donc, la foi sincère, là, c'est relié à tout ça. La bonne conscience, c'est quand que je marche dans ces vérités-là. La mauvaise conscience, c'est quand je m'en mets à enseigner des choses qui sont à côté de ces vérités-là. Et là, je vais avoir une mauvaise conscience. Puis mon cœur ne sera pas pur devant Dieu. Et la charité, en bout de ligne, va prendre le bord. Parce que ça va créer des divisions. Fait que le but de l'ordonnance que, ou du commandement que Dieu fait à travers Paul à Timothée, c'était ça. En bout de ligne, c'est la charité venant d'un cœur pur, où les croyants sont purifiés, ne marchent pas dans une mauvaise conscience et ils marchent dans une foi qui est basée sur la vérité d'un bout à l'autre. Quelques-uns s'en étant détournés de ces choses ici, là, c'est qui ont enseigné d'autres doctrines, se sont engarés dans de vains discours. Et l'apôtre va citer même un exemple qui vient tout de suite dans l'autre verset. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, à l'intérieur de l'Église, des églises que Timothée est appelé à visiter, il y a des gens qui veulent être docteurs de la loi. Le docteur, ça veut dire enseignant, OK? Tout le monde a compris? Pierre, tu as compris ça? Tu ne vas pas chez le docteur pour te faire soigner, OK? Pas ce docteur-là. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, ils sont complètement à côté de la traque. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, des personnes dans l'Église se mettent à côté de la doctrine du salut, sauvé par grâce à Jésus-Christ, qui a payé la faute de nos péchés, etc. L'Évangile pur, j'allais dire pur et dur, mais l'Évangile pur est extraordinaire, glorieux. Des gens se mettent à enseigner que des doctrines sur la loi. Et ils sont à côté de la traque. On va voir tout à l'heure, on va aller voir les deux références qui sont là, pour comprendre à quel point c'était une déviation par rapport à l'Évangile. Et c'était extrêmement dommageable si on laissait faire ces docteurs-là, ces faux docteurs-là. C'était extrêmement dommageable dans l'Église. Et division et impureté reliée à tout ça. Et déviation, et ça va, au lieu d'aider l'Église à grandir, ça va aider l'Église à se détruire. Romains 3, 10, 24. Celui-là est important parce qu'il est doctrinal. Il vient confirmer ici le fait que ces gens-là ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et tournez avec moi dans Romains. C'est un long passage, 10 à 24. C'est un passage que la plupart d'entre nous connaissons, mais qui est important de rappeler dans ce contexte-là. Au verset 10, dans Romains 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, ils ont sous les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, un point important, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, et là les points importants pour, doctrinalement qui vont avec le passage qu'on a dans Timothée, or nous savons que tout ce que dit la loi, et la loi ici, c'est Moïse, ce n'est pas la loi humaine du gouvernement québécois ou du gouvernement des États-Unis ou de la Russie ou de l'Ukraine. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Quand je n'ai pas été libéré des conséquences de la loi, je suis sous la loi, je suis géré par la loi. Ça, c'est ce que Dieu dit. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tous les gens qu'on a cités avant, du verset 10 jusqu'à maintenant, c'est tous des gens qui sont coupables devant Dieu. À quelque part, ils ne respectent pas la loi. Et je faisais partie d'eux. Y en a-t-il un ici qui n'était pas sous la loi avant de connaître Christ? Qu'il se lève! Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car, verset 20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Là, Dieu est en train de nous expliquer que la loi, il l'a donnée pour que les hommes connaissent qu'ils sont des pécheurs devant lui, qu'ils ont raté. Évidemment, si la Bible s'arrêtait là, on serait malheureux puis mal foutus, pas à peu près. Donc, ces faux docteurs-là, là, quand ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont sous la loi et condamnés par la loi et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce et par le moyen de la rédemption, un rachat en Jésus-Christ. Et l'Évangile est drette là. Mais si tu commences à enseigner la loi pour mettre la loi comme moyen de salut, tu es carrément en train de dire que Dieu est un menteur et tu deviens un blasphémateur de la loi de Dieu. Donc, quand on parle de la loi, faire un usage légitime de la loi, ça veut dire ça. Je ne me sers pas de la loi pour me justifier, je me sers de la loi pour dire au reste du monde, j'étais comme ça, à cause de Christ, je suis libéré des conséquences, mais toi, tu es encore là-dessous. Ben, si la personne à qui vous parlez est encore sous la loi. Galates 3, 23, 25, je vais vous laisser le lire au besoin. Là. Ceux qui voudront avoir mes notes, je vais vous les laisser. C'est la même affaire. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, ça c'est dit dans l'Épître à Timothée, la loi n'est pas faite pour le juste. Elle était faite pour moi avant que je me convertisse, mais à partir du moment où je suis devenu justifié par Christ, la loi ne peut plus m'atteindre. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ce n'est pas ça que ça dit ici. Ça veut dire simplement qu'elle ne peut plus me condamner devant Dieu. Et ça, c'est l'Évangile. Mais pour les là, vous allez avoir une série de 14 ou 13 qualificatifs des gens qui sont sous la loi. Là. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. Ça, là, c'est les 5 premiers commandements qui sont visés là-dedans. Hein? Irreligieux, profanes. Parricide, honore ton père et ta mère. Il n'est pas dit de le tuer, selon la loi. Tous ceux qui commettent l'erreur, ça c'est le commentaire de MacArthur que j'ai adapté un petit peu, là. Tous ceux qui commettent l'erreur de croire qu'ils sont justes ne seront jamais sauvés. Luc 5, 32, c'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu appeler des pécheurs, des justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des les pécheurs, j'ai commencé à les citer à l'envers. Je ne suis pas venu appeler des pécheurs, des justes, mais des pécheurs. Donc, il n'y en a pas de justes sans Christ. Les faux docteurs, bien, il y en avait dans les églises où Timothée était. C'était des faux docteurs qui commençaient à poindre, qui voulaient prendre du galon en étant reconnus par les églises, alors qu'ils étaient absolument à côté de la... Et rappelez-vous que quand ça arrive dans une église, souvent, ces gens-là n'arrivent pas tout seuls. Et quand ils sont mis à l'index ou repris par l'église ou carrément mis en discipline, généralement, ça fait du dégât. Parce qu'il y a des croyants qui se sont attachés à eux. Fait qu'on comprenne des fois les interventions des responsables dans des circonstances particulières, c'est important. Parce que ça nous aide à ne pas prendre parti pour le mauvais bord. Les impudiques, là, je continue la suite. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Vous avez le reste des commandements là, de 5 à 10, de 6 à 10. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et c'est intéressant que ceux qui se convertissent à Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, généralement, ne sont plus dirigés par un commandement spécifique pour plaire à Dieu, mais ils font au-delà souvent de ce qui est demandé par le commandement. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Ce n'est pas notre puissance à nous. Ah, vous faites encore des fautes, vous faites encore des péchés, mais vous n'avez plus de plaisir à le faire, puis à rester dedans. Mais si vous n'appartenez pas à Christ, vous allez rester dedans, parce que c'est votre place. Sainte doctrine, c'est utilisé dans 2 Timothée 4, 3 et 4. Sainte doctrine, c'est un mot qui revient tel quel. C'est utilisé aussi dans Tite 1, 9. La sainte doctrine, bien, c'est... On va aller voir 2 Timothée. C'est cité littéralement, là. C'est des références qui se répètent. La sainte doctrine, c'est la doctrine qui est basée sur l'Évangile. À côté de ça, ça devient malsain. Quand je dis à côté de ça, il faut comprendre, là. Ce n'est pas l'exhortation à faire le bien, mais à faire le bien pour être sauvé, ça, c'est une mauvaise doctrine. Et ça, ça peut conduire à l'impureté. Au manque de foi. Saint, à l'époque, évoque la santé et la solidité. C'est le genre d'enseignement qui produit vie et croissance spirituelle. Eh, misère, je suis en train de dépasser matin. Que les fausses doctrines génèrent que la maladie et l'infirmité du point de vue spirituel. Les fausses doctrines ne génèrent que maladie et infirmité d'un point de vue spirituel. Et quand des croyants sont pris dans les fausses doctrines, aujourd'hui, là, ça pullule les fausses doctrines. Ça pullule la télé, toutes sortes d'enseignements sur le mariage à la télé qui sont absolument à côté des Écritures. Et on écoute les films, des fois, les plus massacrants de ce point de vue-là. Mais si vous allez sur Internet, c'est épouvantable, ça pullule de partout. Des gens qui se prétendent des docteurs... vous écoutez un documentaire qui est super en termes de découvrir la création et on vous passe plein de fausses doctrines dedans, là, à répétition. Hein? J'ai pas compris. Ah oui, Charles Tissère, oui, avec Découverte, Radio-Canada, hein, c'est bien présenté tout ça. Il nous passe des affaires des fois, là. C'est pas de bon sens. Et si on embarque là-dedans, ben, vous savez à quel point... L'Église a été affectée par des leaders comme M. Trump. Combien que vous rencontrez dans l'Église des gens qui veulent le défendre à tout prix, alors que son comportement est absolument à côté de la foi. Pour moi, c'est un faux docteur total, mais il y a des gens qui sont embarqués là-dedans. Et il peut y avoir des croyants sincères qui sont pognés là-dedans. Fait que les Églises qui vivent avec ça doivent travailler là-dessus, hein. Conformément à l'Évangile de la gloire du bienheureux, à la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. Dieu justifie l'impie de façon parfaite à travers Jésus-Christ, et c'est glorieux pour lui. Parce que Dieu ne peut pas renier qu'il est le péché, il ne peut pas renier que le péché doit être puni, il l'a déclaré avant qu'Adam et Ève pêchent. Dieu ne peut pas renier sa justice, mais il est parfaitement juste en justifiant le pécheur qui met sa foi en Christ, et c'est glorieux pour lui. Et ça va paraître à la face du monde quand Jésus va revenir. Évangile qui m'a été confié, évidemment, ça c'est l'apôtre Paul ici qui rappelle ce qu'il a été pour l'Église. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Là, on va voir un court témoignage de sa vie avant qu'il devienne croyant. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Blasphémer, ici, dans le cadre de Paul, c'est de faire Dieu menteur, de dire que Dieu est menteur, que ça ne se peut pas que Christ soit le Messie, entre autres, dans son cas à lui. Un persécuteur, vous savez qu'il a persécuté l'Église, il était là quand on a lapidé Étienne, puis il joignait son suffrage aux autres. Un homme violent, hein, il allait à Damas pour arracher le monde, il les arrachait de leur maison, puis il les foutait en prison. Le monde, pas le monde, les croyants, les saints. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Ça, des fois, ça peut être mal interprété par ignorance dans l'incrédulité, parce que on a l'impression qu'il est en train de... Ben moi, je ne savais pas, c'est pas ma faute, hein? Je suis ignorant. Dans ce cas-là, on est tous des ignorants, parce qu'avant de se convertir, on était ignorant. Mais il faut comprendre ici que dans le contexte, l'apôtre Paul était pharisien, avec d'autres pharisiens à Jérusalem, de Sanhédrin, des grands de ce monde, qui, eux, avaient connu Jésus-Christ, qui, eux, savaient que Jésus-Christ était fils de Dieu, puis qu'ils l'ont rejeté. L'apôtre Paul n'est pas dans cette situation-là, mais il a agi avec zèle, comme un blasphémateur, comme un homme violent, tout ce qu'il nous a dit. Nous. Fait que quand il dit ignorant, il voulait dire ignorant du Messie. Mais quand Jésus se révèle à lui, il va dire la question suivante, rappelez-vous, qui es-tu? Paul va parler dans l'entretien avec Jésus, quand Jésus va se révéler à lui à Damas, sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, Jésus, il sait qu'il a été crucifié, mais il ne croit pas à sa résurrection. Là, il vient de s'apercevoir qu'il était ressuscité. Donc, il était ignorant. Pour blasphémer après, là, il faudrait qu'il nie que Jésus-Christ lui a parlé. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Dans son cas, lui, il considère que tout ce qui est arrivé dans sa vie après, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. C'est une parole certaine. Ça revient à une, deux, trois, quatre reprises. Une parole certaine, ça veut dire que c'est définitivement. Rappelez-vous, là, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Quand il déclare ça ici, il est en train de dire que c'est la parole de Dieu. Là. Il est entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. On va croire que Dieu dit la vérité quand il dit qu'il est le premier des pécheurs. J'imagine que c'est en termes d'atrocité par rapport à Dieu. Mais j'ai obtenu miséricorde. Cet homme-là, là, qui était violent, blasphémateur, etc., Dieu il a fait grâce. Hein, Gilles, tu racontais ton témoignage en partie ce matin dans le cours. Tu étais un homme violent, tu étais un homme blasphémateur, tu étais un homme qui foutait carrément de ce que Dieu avait dit, jusqu'à temps que Jésus touche ton cœur. Hein. Si je dis mal, tu me le dis, tu me corriges. Hein. Je l'ai entendu quelquefois. Mais j'ai obtenu miséricorde. Avez-vous obtenu miséricorde? Les croyants, là, ceux qui se sont convertis ici, avez-vous obtenu miséricorde? Afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier, compte tenu du rôle que l'apôtre a été appelé à jouer pour l'Église, toute sa longanimité. Longanimité, ça veut dire indulgence, faculté de supporter ce qu'on pourrait réprimer. Dieu aurait pu se débarrasser de l'apôtre Paul d'un revers de la main. Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Là, on voit le but de Dieu à travers la vie de l'apôtre Paul. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Au roi, là, il va avoir une doxologie. Vous savez que c'est quoi une doxologie? C'est une louange qu'il fait à Dieu. Là. Il est tellement reconnaissant de ce que tu as fait qu'il dit au roi des siècles, immortel, invisible, Dieu, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Vous en avez une doxologie dans l'Épître aux Romains, vous en avez dans d'autres épîtres aussi. Il arrête, là, à un moment donné, sa description, puis il s'arrête, puis il dit, « Hey, extraordinaire. » Il est reconnaissant. N'ayons pas peur d'être reconnaissant envers Dieu de la même manière, nous autres aussi. Le commandement que je t'adresse, j'avais dit qu'il reviendrait le mot, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, pas le combat des faux docteurs, pas le combat des ceux qui voulaient réinstaurer la loi, mettre le monde, les croyants sous la loi. Mais le combat de l'Évangile, c'est la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ par la foi. Et il fait référence ici aux prophéties faites précédemment. On en a parlé au début, là. Je ne reviendrai pas dessus. Combattre le bon combat. Comment? Garde la foi et une bonne conscience. Ça veut dire garde la foi telle qu'elle t'a été révélée. Ne dévie pas de ça. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et là, il va citer deux exemples tout de suite après. En gardant la foi et une bonne conscience, si tu te mets à embarquer dans des fausses doctrines, ta conscience va être affectée. Tu vas te sentir coupable devant Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ça va créer les problématiques d'impureté ou de division, d'amour fraternel qu'on a vu au début. Donc ici, l'exhortation, on le voit, elle est personnelle à Timothée. Timothée garde la foi. Et pourtant, Timothée, c'est un homme engagé. On le voit dès le départ. Il a suivi l'apôtre Paul. Mais Timothée, c'est un homme. Puis à un moment donné, dans certaines circonstances, où il est méprisé, où il n'est pas reconnu, où il n'est pas écouté, ça y est sûrement arrivé. Bien, il a besoin de se faire dire « combat le bon combat, ça vaut la peine, Timothée. Lâche pas, baisse pas les bras. » Gardez la foi, persévérez à croire à la vérité de l'Évangile. Une bonne conscience, en faisant fi de la vérité de l'Évangile, un croyant fait naufrage par rapport à la foi. On va le voir tout de suite après. C'est un peu le sujet du texte ce matin. Si vous ne restez pas attaché fidèlement à la vérité de l'Évangile, et là, je parle particulièrement aux jeunes là, qui sont pognés dans des écoles à se faire enseigner toutes sortes d'affaires et avoir des copains qui ne suivent pas l'Évangile. Gardez une bonne conscience. Restez attaché aux vérités de l'Évangile. Vous ne pourrez c'est peut-être pas des Timothée être capable de le dire ou des Paul capable de le dire à tout le monde puis en vous faisant garrocher des roches en le faisant. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à faire ça, mais au moins dans votre cœur, résistez. Tenez-vous avec ceux qui résistent. Choisissez vos amis en conséquence. De ce nombre, je vous l'ai dit qu'il va parler d'Hyménée et d'Alexandre. Hyménée, il revient dans 2 Timothée 2,17. Et Alexandre, on pense que c'est Alexandre qui était le fils de Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix. Ça se peut que ce soit lui, mais ça peut que ce soit un autre Alexandre, on ne sait pas. Mais c'était des gens qui ont collaboré avec l'apôtre, mais qui se sont mis à dévier par rapport à l'Évangile. Et là, l'apôtre, il va faire quelque chose d'assez... Il va déclarer quelque chose d'assez important, qu'on va regarder un peu. « Que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » On voit que le blasphème ici, c'est commencer à mentir au sujet de l'Évangile. C'est commencer à déclarer des choses qui ne sont pas vraies au sujet de l'Évangile. Chaque fois que vous déclarez quelque chose sur l'Évangile qui n'est pas vrai, faites attention. On peut toujours se corriger si le Saint-Esprit nous fait réaliser qu'on a dit des choses qui étaient plus ou moins, qui méritent d'être clarifiées. Mais volontairement, là, embarquer là-dedans, ça peut vous amener à être reconnu par l'Église comme des faux docteurs, et l'Église va devoir vous livrer à Satan, un peu comme il est fait ici. Ça veut dire quoi, livrer à Satan? Ça ne veut surtout pas dire prier Satan pour qu'il vienne s'occuper de ces deux individus-là. Hein? On est d'accord là-dessus? Non. Hein, Daniel, tu es d'accord avec moi, hein? Je sais. Mais quand l'Église met en discipline une personne pour un refus de repentance dans une situation de péché ou de fausse doctrine, qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et les païens et les publicains, ou les non-croyants, si vous voulez, sont sous la puissance de qui? Dis-le plus fort, allez. Ils sont sous la puissance du prince de la puissance de l'air, hein? Fait que quand vous sortez quelqu'un de la communion fraternelle, un croyant, vous le ramenez dans la situation antérieure où c'est Satan qui va gérer sa vie. Et dans le cas des croyants, ça peut être réparateur dans le sens qu'ils peuvent apprendre à ne plus blasphémer, donc à dire des mensonges au sujet de Dieu. C'est sérieux, la discipline d'Église. Dès que quelqu'un va persister dans une doctrine étrangère à l'Évangile, puis que c'est repéré, il faut que l'Église intervienne. Qu'elle intervienne par les anciens, mais les anciens tout seuls, ils ne font rien, là. Il faut qu'ils avancent avec l'Église. D'accord? Vous avez les références ici dans 2 Timothée 17, là, pour Hyménée, qui réapparaît avec Philette, un peu plus loin. Puis Alexandre, il devient Alexandre le Forgeron dans la fin de 2 Timothée, dans lequel il dit « Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Est-ce que c'est le même Alexandre? Peut-être. Je n'ai pas assez de précision à travers le texte des Écritures pour l'affirmer. Oups, j'ai perdu ma souris. Et où, et où? Ah, elle, OK. Livré à Satan, excommunié. En fait, ça veut dire excommunié. Allez voir Matthieu 18, 15 à 17. Ça met un terme à leur influence et les prive de la protection salutaire de Jésus-Christ. Les prive des bénédictions divines et tombent sous le contrôle de Satan. C'est ce qu'on vient de déclarer. Vous êtes d'accord? On est d'accord? Oui. N'as-tu un qui n'est pas d'accord? Catherine, d'accord? Tu vas avoir de la misère à dire non, hein? Je t'ai pris en public, là. Lydia, d'accord? D'accord? Victoria, es-tu capable de lire? Oui. Ça veut dire, c'est quoi qui est écrit? Est-ce, est-ce que tu vas rester attaché à l'Évangile avec nous? Là, tu vas dire non pour nous écœurer, hein? Je sais. C'est une réponse personnelle, mais collective en même temps. Ça va? Je m'excuse d'avoir tenu pendant une heure, parce que c'est ça que j'ai fait, là. C'était pas mon intention, mais les introductions, c'est toujours pas simple. Que Dieu nous bénisse ensemble.